Oui. Où trouver notre appui quand roule la longue plainte du champ perdu? Où trouver la présence du lieu que cernait notre main, simple bosquet riant au vent de la pleine saison? Où partager encore l'hospitalité de pierre et d'ombre, ce doigt de lumière que nous tenions en même anneau? Un vent sépare les blés, creuse un sillon, noir stratagème vers la nuit, où les étoiles pleurent parmi tant de noms vers d'autres cendres. Alors s'ouvre la lèvre du feu, alors lisible est la source. Thank you.